à sa fin, il coule dans les ports des souterrains. Emporte avec lui frissons jurons, les longues nuits, les caleçons longs. Nous nous collerons tous les deux, désormais pour nos beaux yeux. Nous nous trouverons une voiture, nous partirons à l'aventure. Pour n'importe où je m'en fous. Tous les deux amoureux fous. Oasis exceptionnelle. Le soir venu, nous coucherons seulement dans les plus beaux motels. Pendant quelques heures, je conduirai jusqu'aux abords de mon sommeil.